Chapitre 10. On ne l'a pas revue pendant plus de 3 semaines au village, où on l'a vue pendant ce temps, c'est dans les hauts chalets de la montagne, parce qu'il a couru la montagne. Le premier jour, on l'avait vu à Pralauvin, où il est arrivé en même temps que le soleil, qu'il avait fait tout rose, devant le maître, qui était gris sur le pas de sa porte. Il disait au maître, « Je n'y tenais plus, dans mon trou. » Le maître lui a dit, « C'est toi qui as tiré cette nuit ?»« Non pas, c'est drôle. » Farinet, alors, avait demandé, « Les gendarmes, est-ce qu'ils sont revenus ?»« Pas un, » avait dit le maître. Ils ont engagé ainsi une conversation assez bizarre ce matin-là, Farinet ayant continué. « Il faut croire qu'ils ne veulent plus de moi, les gendarmes, ça va bien. Il y a de la chèvre par chez vous ?»« Comme si, comme ça, » avait dit le maître, « j'ai pas vu grand-chose cette année. » Alors Farinet, s'étant assis sur le banc devant le chalet, « Vous avez ce qu'il faut pour nettoyer un fusil ?» Il disait, « Le jour est bon, je vais viser le soleil. » Le maître lui avait apporté un pot de graisse, une baguette, des chiffons, et Farinet a dirigé le canon par le petit bout vers le cœur de l'astre, faisant entrer et jouer sa lumière dans une juste répartition tout le long du tube d'acier. « Je pensais bien, il est un peu piqué, c'est que c'est humide, cette grotte. » Et, ayant enduit le chiffon de graisse, il faisait aller son bras de haut en bas dans le canon, puis il a dit, « Eh bien, on va aller voir ce que ça donne. À bientôt. » N'ayant même pas voulu accepter un verre de fendant que le maître lui offrait, c'est l'histoire des 3 semaines que Farinet a couru la montagne. On l'a vu en Marquisat, on l'a vu à la Ruinette, on l'a vu à Prapourri. On l'a vu encore plus au levant, en Cherpifou, partout où sont ces paliers de gazon haut suspendus entre les rochers et les neiges, comme des balcons peints en verre, quelques centaines de mètres en longueur, sur une centaine en largeur, et 20 bêtes, 30 bêtes, 50 bêtes, avec une cabane de pierre et 4 ou 5 hommes qui les gardent et font le beurre et le fromage, suspendus à 2000, 2500 mètres au-dessus des hommes et de tout. Il voyait Farinet venir de loin dans les rochers. Il se mettait à rire. « Ah, vous voilà, comment ça va-t-il? Il vous faut entrer. » Il entrait, il buvait leur vin quand ils en avaient. Partout, il a été bien reçu, parce qu'on avait de l'affection pour lui. Et puis, il n'était pas avare de ses pièces. Pourquoi est-ce qu'il courait ainsi la montagne, Farinet? Mais vers la fin du mois, le temps s'était gâté. Il y avait eu des orages, accompagné de grosses pluies, il commençait aussi à faire froid. C'est ainsi que vers la fin du mois, on l'avait vu reparaître à Pralauvin. Il avait une barbe. « Ah, on voit bien que tu ne viens pas de la ville, » lui avait dit le maître. « D'où viens-tu » Il avait étendu le bras derrière lui. « C'est tout. Eh bien, tu as tiré quelque chose ?» Il a répondu. « Rien du tout. » Il s'est laissé tomber sur le banc, fait d'une vieille planche et de 4 piquets qui étaient à côté de la porte du chalet. Il avait de la barbe, l'aile de son chapeau lui pendait sur la figure, le bas des manches de sa veste s'effilochait. Or, on voyait toute la vallée de ce banc, mais pas le village, à cause d'un ressaut de terrain qui était entre Miège et vous. On ne voyait pas Miège. Ah, par quoi ? On voyait toute la vallée pendant que les hommes du chalet faisaient leur ouvrage autour de vous. Et c'est un grand pâturage ici, ou un pâturage plus grand que les autres. Ils étaient 8 qui allaient et venaient, ou bien étaient en train de laver les baquets sous un chéneau de bois qui sortait d'un talus. Tout à coup, Farinet avait dit au maître, « Dites donc, vous n'avez pas votre longue-vue ?» Le maître avait apporté la longue-vue dans son étui d'étoffe grise, qui fermait au moyen d'un cordonnet parce qu'il en avait grand soin. Il a tiré sur le cordonnet. « Vous permettez, je voudrais voir un peu par là autour s'il n'y aurait pas quelque chose. » Farinet s'est tourné alors vers la paroi derrière lui, mais il n'avait pas assez de recul. Il a dit « On ne voit rien d'ici. » « Bien sûr, » a dit le maître, « mais il n'y a qu'à descendre plus bas. » C'est lui qui en a fait la proposition. Farinet, lui, s'est donné l'air de se laisser faire, de sorte que le maître allait devant et lui suivait, de sorte qu'ils sont allés ainsi jusqu'au fin bord du pâturage. « Là, on est bien, » a dit le maître. « De là, » a-t-il dit, « on voit tout et on voit partout, devant et derrière, à droite et à gauche, en bas et en haut. » Faisant aller son bras en rond autour de lui, renversant la tête, puis la ramenant en avant. Et c'était vrai, mais Farinet avait empoigné la longue-vue, s'était tout de suite tourné trompeusement vers les rochers. Il s'appelle Enzyme. Tenant la longue-vue devant son œil droit, l'autre fermé, mais d'abord il ne voit rien. Il voit seulement un rond blanchâtre semé de poils, comme quand on regarde à la loupe une feuille de papier. « Il vous faut tirer sur les tuyaux ou bien au contraire les faire rentrer, » disait le maître. « Ça dépend de votre vue. » Farinet, alors, a fait glisser les tubes l'un dans l'autre. Alors, au bout, le monde est né. Il s'amusait à refaire le monde. Le monde vient à sa rencontre. Il visa d'abord du côté d'Enzyme. Ce morceau de monde mis là, tout debout, qu'est Enzyme, c'est-à-dire une grande paroi de rocher, tout un immense escalier de pierre, avec le dessus des marches vertes et la tranche grise. Mais tout de suite, non, dit-il, on n'en voit point. Il parlait des chèvres. Il continue à promener la lunette le long de la chaîne. « Oh, dit-il, à présent je suis dans le ciel. J'ai débordé, je suis trop haut. Je vois un nuage. Vous le voyez, un tout petit rose. On pourrait regarder la lune aussi avec cet outil. La regardez-vous ? Bien sûr. Et les étoiles ? Aussi. Bon, dit-il, attendez, où est-ce que je suis ? Et comme s'il n'en savait rien, il allait maintenant beaucoup plus à droite, baissant le bout de l'instrument vers la vallée. On était justement sur un promontoire qui s'avançait au-dessus d'elle, comme quand on est à la proue d'un vaisseau. On n'avait qu'à se tourner de côté, et Farinet commence à se tourner de côté. Puis, c'est comme si la lunette devenait trop lourde à son gros bout, comme si elle était de plomb à ce bout-là. Elle penchait d'elle-même et il cédait à ce poids. Alors il tombe de 1000 mètres, de 1200, de 1500 mètres. Il tombe à pic dans le trou bleu, étant au-dessus d'un front de Rhône qu'on voit monter à gros bouillons comme quand le vin fermente. Mais ce n'est pas ça. Il glisse, il se traîne dans le sable entre les buissons d'osiers. Il est au-dessus d'une plantation d'abricotiers tellement serrés l'un contre l'autre qu'ils font comme un pavé avec leurs dessus arrondis. Il s'impatiente. On a de la peine à viser parce que le moindre mouvement qu'on fait avec le gros bout de la lunette se trouve multiplié 1000 fois de l'autre côté du vide, là où recommence la réalité. Tout à coup, il se trouve au-dessus du village. Il voit des toits de deux couleurs parce qu'un de leur côté est dans l'ombre, l'autre éclairé par le soleil, en ardoise, fait de larges feuillets d'ardoise, c'est-à-dire brillant comme de l'argent d'un côté, de l'autre velouté comme de la peau de taupe. Ce n'est pas encore ça. Il a dit tout à coup au maître, « Est-ce qu'on pourrait reconnaître une personne à cette distance ?»« Reconnaître, non pas, pas la personne, mais l'espèce. Si c'est un homme ou une femme, oui. » Si c'est un gendarme, par exemple, que cherches-tu ? Rien. Farinet s'applique toujours, ne déplaçant plus qu'à peine le tube qu'il serre fortement dans ses mains. Et alors voilà, ça y est. Oui, ça y est. Une petite maison neuve, on voit le toit, on voit le bas des murs, on voit les fleurs qui sont dans le jardin, on voit des reines marguerites, du rose, du jaune, du bleu, mais il n'y a personne dans le jardin. Ah, dit-il, c'est que c'est fatigant. Il faut que je me repose. Il laisse tomber la longue-vue. Oui, ça fatigue le poignet. Tu trouves ? Oui, l'œil aussi. Et puis, le dedans de la tête. Chapitre 11. Le soir où Farinet était parti, elle était arrivée, comme toujours, avec son sac, vers les 10 heures. Comme toujours, s'étant penchée sur l'ouverture du passage, elle l'avait appelé. Thaw ? On n'avait pas répondu. Elle appelle une deuxième, une troisième fois, aucune réponse n'était venue. Elle fut triste, mais pas trop. « Voilà, se disait-elle, il ne peut pas rester toujours enfermé. Il aura été prendre l'air, c'est naturel. Je vais attendre. » Ayant donc caché le sac dans le buisson d'épines vinettes, elle-même s'était accroupie tout à côté. Elle est patiente, elle se dit « il va rentrer ». Elle se dit « c'est bien son droit de sortir un peu ». Et puis, elle l'aime. Se levant seulement de temps à autre pour appeler encore, parce qu'il y avait l'autre ouverture, celle qui donnait sur la gorge, par où il aurait pu rentrer. Ainsi, l'horloge de Miège avait sonné au loin d'abord 10 heures, puis le quart, puis la demie, puis les 3 quarts, enfin les 11 coups, un, étaient lentement venus jusqu'à elle, sur les routes désertes de l'air, toussés séparément, un, et puis un, on a le temps, et un encore, on a le temps, elle compte, ça fait, mon Dieu, tout à coup, elle s'était levée. Elle s'était mise à courir du côté du village. Sûrement qu'il sera sorti, il aura rencontré les gendarmes, ou bien ils se seront cachés derrière un arbre. Peut-être qu'il me cherche, peut-être qu'il a besoin de moi. Elle courait si vite qu'elle approchait déjà des premières maisons. Mais elle voit que tout y est tranquille, tout est comme tous les soirs dans les jardins qu'elle traverse, regardant les rangées des fenêtres déjà éteintes sous l'avant-toit, et les unes au-dessus des autres, parce qu'il y en avait jusqu'à trois dans les façades des maisons. Critin venait de fermer son établissement, il allait monter se coucher, elle était encore tout essoufflée, elle demande, il n'est pas venu? Non. Oh, et vous, vous ne l'avez pas vu non plus? Non, il va falloir que je retourne. Seulement, Critin s'était fâché. Voyons, vous êtes folle. Comment voulez-vous qu'il lui arrive quelque chose sans qu'on le sache tout de suite? Il aura été faire un tour, il a besoin de bouger, cet homme. C'est ainsi qu'il avait parlé, tenant sa bougie à la main, et peut-être qu'il disait vrai, sûrement même, pensait-elle, quand les deux coups de feu avaient éclaté l'un après l'autre, quand Farinet tirait sur la lune, immobilisant Critin au milieu de l'escalier. Elle était devenue toute blanche au bas des marches, et un moment elle avait été privée de souffle. Puis elle avait voulu courir à la porte, mais Critin l'avait retenue par le bras. « Bougez pas, on n'entendait plus rien. Laissez-moi aller, je vous défends. » Il la tenait par les poignets. Alors une fenêtre s'est ouverte, puis une autre. Une voix demande « Où est-ce que c'est ?»« Oh, c'est tout près. » Une autre fenêtre encore qui s'ouvre. Deux hommes se parlent à travers la rue, mais ils sont trop loin pour qu'on comprenne ce qu'ils disent. Et de nouveau alors, la fenêtre se referme, on s'est tu. Une autre fenêtre se referme. Plus rien. Critin l'avait lâché. Il s'est mis à rire parce qu'il avait eu peur. « Est-on bête ? » disait-il. « Il aura été à l'affût. Il a tiré sur un renard. » Comme elle ne bougeait toujours pas, « Montez la première. Moi, j'attends encore un moment. » Elle n'avait pas pu ne pas faire comme il disait. Elle s'était assise sur une chaise dans sa chambre. Elle écoutait. Et rien. Ou seulement, malgré les fenêtres fermées, et tellement le silence était grand, tout au fond de la nuit, le Rhône. Une sourde voix interrompue, un vaste souffle, mais très doux, qu'on entend, puis qu'on n'entend plus. Alors, le lendemain matin, les gens s'étaient abordés dans le village. « Vous avez entendu ? Oui, et vous ?» On a eu peur un moment qu'on ne lui ait tiré dessus. « Bah !» disait Fontana. « C'était pas le bruit d'un fusil à balle. Il aura été à l'affût. Il aura tiré un renard. » Il disait comme Critin, « Qu'est-ce que vous voulez? Il faut bien qu'il vive. » Tout le monde avait été de cet avis, mais elle, Joséphine, se disait, « Où est-ce qu'il est? Pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas dit qu'il s'en allait et où il allait ?» Car le lendemain, elle était retournée à la grotte, et le surlendemain encore, puis avait rapporté le sac parce que les provisions qu'il contenait pouvaient à la longue se gâter. C'est l'évasion de Farinet. C'est comment il s'est évadé. Et c'était maintenant qu'il devait avoir gagné la montagne, parce que c'est le moment du chamois, disait Critin. Mais qu'est-ce qu'il allait vraiment faire dans la montagne? Pourquoi est-ce qu'il y restait si longtemps? Et les gens commençaient à se dire des choses à l'oreille. Eh bien, disait-on tout bas, il paraît qu'il s'est entendu avec la justice. La preuve, c'est qu'il y a bien une quinzaine de jours qu'on n'a pas revu un gendarme au village ou aux environs. Il y avait des chuchotements, car c'était là des choses qui ne s'expriment pas tout haut. Croyez-vous qu'ils tiennent tant que cela à la liberté? La liberté, qu'est-ce que c'est? Et puis après, il sera libre, libre et tranquille, comme nous autres, ni plus ni moins. Et Dieu sait, c'est peut-être seulement pour lui une question d'amour-propre. Il réfléchit, il a jusqu'à la fin du mois pour se décider. Ce jour-là, le nommé Baptiste Ray était entré vers les 3 heures chez Critin, c'est-à-dire au moment où le café est vide, en cette saison du moins, tous les hommes étant en train de sarcler la mauvaise herbe, de faucher ou de moissonner. Mais lui, ni ne raclait, ni ne fauchait, ni ne moissonnait. Il entrait, il demandait un sirop de gomme. C'était le fils de la buraliste de la poste. Son travail à lui consistait à aider sa mère au bureau. Pâle, petit, un peu déjeté, un peu bossu, un mauvais teint, le regard en dessous, et il disait qu'il ne supportait pas le vin. C'est pourquoi il commandait un sirop de gomme. Il passait cependant pour être assez entreprenant avec les demoiselles. On racontait qu'il avait essayé de faire la cour à la fille de Romayé. Il n'a point fait de bruit, il venait en voisin. Il avait des pantoufles, il avait un gilet de toile, il n'avait point de veste. Joséphine ne l'avait pas entendu entrer. Elle tricotait toute seule dans la cuisine, près de la fenêtre ouverte, et Crétin, lui, allait dormir tous les jours de 1 à 3. Baptiste, il s'appelait Baptiste Ray, devait le savoir. Alors il a eu tout le temps, allant le long des murs où les affiches officielles et pas officielles sont pendues, de les lire. Sous l'écusson du canton où il y a des étoiles et un fleuve, avis, décrets, ordonnances sur la chasse, impôts, votations du septembre. Sous l'écusson d'un pays libre et imprimés en belles grosses lettres noires avec le titre en capitale sur papier blanc grand format. Il ne faisait aucun bruit dans ses pantoufles. Il allait sous les écussons qui sont partagés en deux par une ligne verticale, les mains dans les poches. Alors, d'un côté de la ligne, il y a les étoiles qui sont les districts. De l'autre, quelques traits sinueux et disposés horizontalement représentent un cours d'eau qui est un fleuve, qui est notre Rhône. Une dame pas très habillée tenait une grappe de raisin sous des médailles. Un joli petit sein rond que Ray continue à regarder, s'étant assis, et laissé à découvert par une peau de tigre qui est ramenée sur l'autre épaule. « Eh, y a-t-il quelqu'un ?» De nouveau, « Eh !» Puis, « Bonjour, mademoiselle Joséphine, un sirop de gomme et de l'eau bien fraîche. Il va y avoir de l'orage, ça donne soif. » Elle était devant lui, tout habillée et pas si agréable à regarder. Elle n'a rien dit. Il voit cette grande figure un peu triste, avec des taches de rousseur dans la peau brune. Elle a un caraco de coton qui est noir avec des pois blancs et qui lui tombe autour des hanches, un col montant, des manches longues. Oh, pas si plaisante que la dame de l'affiche, il considère de nouveau. Joséphine était sortie. Hé, Farinet, un peu trop courte, un peu trop forte, qu'en penses-tu? Se disait-il. Et puis, peut-être plus assez jeune. Les cheveux trop tirés, hein, serrés trop fort et trop fins par derrière, parce que l'autre, devant le bras, a les siens dénoués en boucle sur le front, et ils pendent plus de côté sur sa belle peau lisse et blanche. Joséphine était revenue, elle a posé sur la table un verre à moitié rempli d'un liquide jaune et une carafe d'eau toute couverte de buée. Merci bien. Puis, comme il voit qu'elle va s'en retourner, « Comment allez-vous, mademoiselle Joséphine ?»« Pas mal, merci. Et vous ?» Pas mal. Et elle était debout, à quelques pas de lui, encore à demi détournée. Il ne la regarde pas, ou à peine, mais versant l'eau de la carafe dans le verre, où le mélange devient trouble en pâlissant. Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Je vois ça. On est un peu seul. Vous ne devez pas avoir beaucoup de clients ces temps-ci. Pas tant, bien sûr, avait-elle dit. Les gens sont trop occupés. Elle s'était tournée tout à fait vers lui pour finir, les mains rejointes sur son tablier de toile raide à minces rayures violettes et noires. « Alors, a-t-il dit, je vois ça. On s'ennuie un peu. » Il lève son verre, il boit une gorgée de sirop de gomme. « Ça fait du bien. » Puis, « Et vous n'avez point de nouvelles ?»« Des nouvelles ? De qui des nouvelles ?»« Oh, vous savez bien. » Alors, elle n'a pas bougé. Sa figure brune est devenue seulement peut-être un peu plus brune encore. Ses grosses mains pendent, et il y a derrière elle la dame qui tient une grappe de raisin. Il dit « Oui, hein, c'est comme ça. » Il boit encore une gorgée de sirop. Une mouche bleue tournait autour de son verre. Et tout à coup, vous ne savez pas si ce qu'on dit est vrai. Qu'est-ce qu'on dit? Oh, alors si vous ne savez pas, c'est peut-être des histoires. Et qu'est-ce que c'est que ces histoires? « Eh bien, comme ça, continue-t-il, il y en a justement qui prétendent qu'il va se rendre d'ici à la fin du mois. Mais elle éclate de rire, n'est-ce pas? Je ne sais rien, moi. N'empêche qu'il a bien été quand même chez Romayé. » Elle a dit, « Quand ça? Le soir où il y a eu ces coups de feu, vous vous souvenez bien, et on ne l'a pas revu depuis. » Elle n'a plus rien dit. « Et justement, vous comprenez, il va tout doux. Romayé est municipal, et Romayé est en bon terme avec ces messieurs du gouvernement. » Il boit une gorgée de sirop, ses yeux à elle suivent le mouvement du ver, ils sont montés avec le ver, ils redescendent avec le ver. Eh bien, ils ont peur des libéraux. Seulement, ils ont peur aussi s'ils employaient la force que ça ne fasse du vilain. Alors, il paraîtrait qu'ils ont chargé Romayet de lui faire des propositions. Il regarde la dame du mur. Ses yeux à elle suivent les siens. Puis, elle a haussé les épaules. Et voilà. Il se dit peut-être que ça ne va pas pouvoir durer beaucoup plus longtemps comme ça. Encore un mois ou deux, et ce sera l'hiver. Et puis après, dit-elle. Oh, dit-il, dans une grotte, les gelées et la neige. Il but encore une gorgée et son verre se trouva vide. Il a regardé de nouveau la dame sur le mur. Et puis, il y a aussi, à ce qu'on raconte, il se lève. Il y a aussi que Romayet a une fille, qu'elle a 18 ans, qu'elle est jolie, que le père a de l'argent. Il tournait maintenant le dos à Joséphine, se dirigeant vers la porte. Alors, n'est-ce pas, ça compte aussi ces choses-là. Au revoir, mademoiselle Joséphine. Pendant qu'elle est là, qui n'a pas bougé, il s'en va dans ses pantoufles. Elle voit sa bosse, son corps de travers, elle le voit de dos, elle voit qu'il arrive à la porte, elle voit qu'il va ouvrir la porte, alors c'est pas vrai, menteur! Il sort, mais il n'est pas sorti encore, lâche! Et de nouveau plus fort pour qu'il puisse entendre, lâche! La dame qui tient une grappe de raisin est au mur, agréable à voir. Il y a une mouche bleue, beaucoup de mouches noires. Elle levait la lampe à pétrole au-dessus de sa tête, se disant « Peut-être que je ne suis plus assez belle, peut-être que je ne suis plus assez jeune pour lui. » Une lampe à récipient de verre et à pied de métal fondu, avec un mauvais abat-jour de carton aux bords ébréchés. Mais tout était pauvre et vieux dans cette chambre, et le miroir lui aussi est un triste petit miroir bon marché à cadre de fer peint en faux bois, au verre plein de défauts qui font qu'on a un œil plus haut que l'autre, le nez de travers, une bosse au milieu de la joue. Ray regardait la dame qui tient une grappe de raisin. Ray faisait des comparaisons. Et lui, est-ce qu'il n'a pas pu faire la même chose? C'est peut-être qu'il en a assez de moi. Elle essaie de mettre ses idées en ordre. Depuis quelques jours, il lui semblait que les habitués dans le café se mettaient à parler bas dès qu'elle faisait mine d'approcher. Elle revoit Ardeva, elle revoit Fontana. Ils avaient l'air gênés devant elle. Ou bien, si elle se trompe, elle pense. Mais les gendarmes aussi, c'est vrai qu'on n'en a pas vu un seul depuis que Farinet est parti. Ça va faire 3 semaines. Ça prouve? Elle se dit que ça ne prouve peut-être rien. Seulement voilà, il y a ce que Ray lui a dit. Et cette fille Romayet, c'est vrai qu'elle est jolie. C'est peut-être pourquoi ils parlent bas quand je suis là. Peut-être qu'ils savent des choses que Ray lui-même ne sait pas. Elle est jolie et jeune, et on dit avenante et de bon caractère et bonne travailleuse. Et moi? Elle se regarde, levant de nouveau la lampe au-dessus de sa tête, puis elle se met à rire. Jeune et jolie, c'est vrai, mais qu'est-ce que ça prouve? C'est pourquoi elle rit. Farinet n'est pas tout de même assez fou pour penser que Romayet lui donnerait sa fille, un homme qui a été en prison, un homme qui devrait y être encore, un homme qui est obligé de se cacher sous la terre comme les vers blancs, un homme qui aurait été déjà repris depuis longtemps s'il ne m'avait pas connu, car il y a moi. Elle rit. Et il y a moi, et il y a moi. Il n'est tout de même pas si bête pour croire que Romayet, qui est riche, qui est municipal, qui est considéré. Et puis je suis là. Elle rit encore. C'est ce Ray, parce que les mensonges ne le gênent pas. Il avait compté sur la fille, il a voulu se venger. Et lui alors, il va revenir et alors je lui parlerai. Je lui dirai, pourquoi es-tu parti sans rien me dire, Farinet, gros sans cœur? Est-ce que tu es fatigué de moi? Et de nouveau, levant la lampe, voyons, quel âge a-t-il? Et moi? Il a 27 ans et moi 30. C'est qu'elles ont aussi des façons de s'arranger qui les font paraître plus plaisantes, des choses pour se lisser les cheveux comme le sirop de framboise, de l'argent. Et moi? Elle avait posé la lampe sur la table. Elle décroche le miroir qui est pendu à un clou. Minuit sonne, on n'y voit toujours pas. Alors elle lève la mèche de la lampe, puis enlève l'abat-jour, et, posant obliquement le miroir sur la petite table de sapin qui lui sert de table de toilette, elle se regarde de tout près. Elle a une grosse chemise en toile raide, avec des manches jusqu'à mi-bras, et qui lui monte jusqu'au cou. Plus assez belle pour lui. Elle voit seulement la ligne qu'elle a autour du cou, comme un collier, et son cou est brun au-dessus de la ligne, il est blanc au-dessous de la ligne. Elle voit cette même ligne qui, un peu au-dessus du coude, lui partage les bras en deux. Et il y a à son sein droit, au milieu de la jolie pointe rose, une vilaine tache brunâtre, qui est dans le bas du miroir, comme celle qu'on appelle tache de café.